Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Mais ouais, vous étiez gentil. Hein, gentil. Si t'es pas joli, tâche au moins d'être poli.